Nombre chapitre 8. L'Éternel parla aussi à Moïse, en disant. Parle à Aaron, et lui dit, quand tu allumeras les lampes, les sept lampes éclaireront sur le devant du chandelier. Et Aaron le fit ainsi, et il alluma les lampes pour éclairer sur le devant du chandelier, comme l'Éternel l'avait commandé à Moïse. Or le chandelier était fait de telle manière, qu'il était d'or battu au marteau, d'ouvrage fait au marteau, sa tige aussi, et ses fleurs. On fit ainsi le chandelier, selon le modèle que l'Éternel en avait fait voir à Moïse. Puis l'Éternel parla à Moïse, en disant, « Prends les Lévites d'entre les enfants d'Israël, et les purifie. Tu leur feras ainsi pour les purifier, tu feras aspersion sur eux de l'eau de purification, ils feront passer le rasoir sur toute leur chair, ils laveront leurs vêtements, et ils se purifieront. Puis ils prendront un veau pris du troupeau, avec son gâteau de fine farine, pétri à l'huile, et tu prendras un second veau pris du troupeau, pour l'offrande pour le péché. Alors tu feras approcher les Lévites devant le tabernacle des assignations, et tu convoqueras toute l'assemblée des enfants d'Israël. Tu feras, dis-je, approcher les Lévites devant l'Éternel, et les enfants d'Israël poseront leurs mains sur les Lévites. Et Aaron présentera les Lévites en offrande devant l'Éternel, de la part des enfants d'Israël, et ils seront employés au service de l'Éternel. Et les Lévites poseront leurs mains sur la tête des veaux, puis tu en sacrifieras l'un en offrande pour le péché, et l'autre en holocauste à l'Éternel, afin de faire propitiation pour les Lévites. Après tu feras tenir les Lévites devant Aaron et devant ses fils, et tu les présenteras en offrande à l'Éternel. Ainsi tu sépareras les Lévites d'entre les enfants d'Israël, et les Lévites seront à moi. Après cela, les Lévites viendront pour servir au tabernacle d'assignation, quand tu les auras purifiés, et présentés en offrande. Car ils me sont entièrement donnés d'entre les enfants d'Israël, je les ai pris pour moi au lieu de tous ceux qui ouvrent la matrice, au lieu de tous les premiers-nés d'entre les enfants d'Israël. Car tout premier-né d'entre les enfants d'Israël est à moi, tant des hommes que des bêtes, je me les suis sanctifiés le jour que je frappai tout premier-né au pays d'Égypte. Or j'ai pris les Lévites au lieu de tous les premiers-nés d'entre les enfants d'Israël. Et j'ai entièrement donné, d'entre les enfants d'Israël, les Lévites à Aaron et à ses fils, pour faire le service des enfants d'Israël dans le tabernacle d'assignation, et pour servir de rachat pour les enfants d'Israël, afin qu'il n'y ait point de plaie sur les enfants d'Israël, comme il y aurait si les enfants d'Israël s'approchaient du sanctuaire. Moïse et Aaron, et toute l'assemblée des enfants d'Israël, firent aux Lévites toutes les choses que l'Éternel avait commandées à Moïse touchant les Lévites, les enfants d'Israël le firent ainsi. Les Lévites donc se purifièrent, et lavèrent leurs vêtements, et Aaron les présenta en offrande devant l'Éternel, et fit propitiation pour eux, afin de les purifier. Cela étant fait, les Lévites vinrent pour faire leur service au tabernacle d'assignation, devant Aaron et devant ses fils, et on leur fit comme l'Éternel l'avait commandé à Moïse touchant les Lévites. Puis l'Éternel parla à Moïse, en disant, « C'est ici ce qui concerne les Lévites, le Lévite, depuis l'âge de 25 ans et au-dessus, entrera en service pour être employé au tabernacle d'assignation. Mais depuis l'âge de 50 ans il sortira de service, et ne servira plus. Cependant il servira ses frères au tabernacle d'assignation, pour garder ce qui leur a été commis, mais il ne fera aucun service. Tu feras donc ainsi aux Lévites, touchant leur charge.